Les vieux rois, de Poèmes par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par Rémi. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les vieux rois. Hommes stérilisés par des siècles d'ennui et de virginité posthumes et pourries. Vos mains, du fer. Vos cœurs, du bronze et de la nuit. Et vos ongles et vos deux yeux, des pierreries. Immobiles soleils, étincelants et noirs, assis sur des trônes d'ébène, armés de gloire et d'or, masques rêveurs et grands comme les soirs, et calcinés comme les rocs d'un promontoire. Vieillards redoutables et vieux comme les mers, qui regardez en vous pour voir toute la terre, qui n'interrogez point l'azur des cieux amers et demeurez penchés sur votre seul mystère. Les fers cruels flamboient et vous dardez comme eux, sous les mitres d'orgueil et sous les lances bleues, qui rayonnent vers vous leurs aciers vénéneux, et la terreur de votre front souffle à 100 lieues. Et vous restez muet toujours, un léopard lèche vos pieds bagués, et des femmes comparent, pour vous distraire à les tuer d'un seul regard, tordent en vain vers vos désirs leurs corps barbares. Et votre cerveau sèche et demeure engourdi, lassé de visions de meurtre et de magie, et plus aucun vouloir en vous ne resplendit, et vous mourrez tout seul, un soir, dans une orgie. Fin de Les Vieux Rois.